Dans les prisons de Nantes, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier que personne ne va voir que la fille du geôlier. Partout la ville.